Maintenant, elle roulait sur le paupérisme, dont toute la peinture, d'après ces messieurs, était fort exagérée. Cependant, objecta Martinon, la misère existe, avouons-le. Mais le remède ne dépend ni de la science ni du pouvoir. C'est une question purement individuelle. Quand les basses classes voudront se débarrasser de leurs vices, elles s'affranchiront de leurs besoins. Que le peuple soit plus moral, il sera moins pauvre. Suivant M. d'Ambreuse, on n'arriverait à rien de bien sans une surabondance du capital. Donc, le seul moyen possible était de confier, ouvrez les guillemets, comme le voulaient du reste les saints simoniens, mon Dieu, ils avaient du bon, soyons justes envers tout le monde, de confier, dis-je, la cause du progrès à ceux qui peuvent accroître la fortune publique, fermez les guillemets. Insensiblement, on aborda les grandes exploitations industrielles, les chemins de fer, la houille. Et M. d'Ambreuse, s'adressant à Frédéric, lui dit tout bas, « Vous n'êtes pas venu pour notre affaire. » Frédéric allégua une maladie, mais sentant que l'excuse était trop bête. « D'ailleurs, j'ai eu besoin de mes fonds. » « Pour acheter une voiture, » reprit Mme d'Ambreuse, qui passait près de lui, une tasse de thé à la main. Elle le considéra pendant une minute, la tête un peu tournée sur son épaule. Elle le croyait, l'amant de Rosanette. L'allusion était claire. Il sembla même à Frédéric que toutes les dames le regardaient de loin en chuchotant. Pour mieux voir ce qu'elle pensait, il se rapprocha d'elle encore une fois. De l'autre côté de la table, Martinon, auprès de Mademoiselle Cécile, feuilletait un album. C'était des lithographies représentant des costumes espagnols. Il lisait tout le légende. Femme de Séville, jardinier de Valence, picador andalou. Et descendant une fois jusqu'au bas de la page, il continua d'une haleine. Jacques Arnoux, éditeur. Un de tes amis, hein? C'est vrai, dit Frédéric, blessé par son air. Madame d'Ambreuse reprit. En effet, vous êtes venu un matin pour une maison, je crois. Oui, une maison appartenant à sa femme. Cela signifiait, c'est votre maîtresse. Il rougit jusqu'aux oreilles. Et M. d'Ambreuse, qui arrivait au même moment, ajouta. Vous paraissiez même vous intéresser beaucoup à eux. Ces derniers mots achevèrent de décontenancer Frédéric. Son trouble, que l'on voyait, pensait-il, allait confirmer les soupçons, quand M. d'Ambreuse lui dit de plus près d'un ton grave. « Vous ne faites pas d'affaires ensemble, je suppose. » Il protesta par des secousses de tête multiples, sans comprendre l'intention du capitaliste qui voulait lui donner un conseil.